Je n'avais pas voulu sortir si brusquement. Pourquoi cet oxygène? J'étais mieux dans maman. J'ai hurlé ce que j'ai pu. L'homme en blanc m'a battu. Mais ne t'en fais pas mon enfant, la vie ça n'est qu'un incident. Me voilà nouveau-né, je pleure toute la journée. Je m'ennuie ferme dans mon berceau, je ne regarde qu'en haut. Y'a un truc au long cou, quand j'appuie dessus ça fait. Mais ne t'en fais pas mon enfant, la vie ça n'est qu'un incident. La maîtresse veut pas de moi, elle dit n'importe quoi. On est plein dans la cour, et puis bah, on court. On est à 10 dans les WC, on colorie sans dépasser. Mais ne t'en fais pas mon enfant, la vie ça n'est qu'un incident. Maintenant je sais compter, je connais mon caté. Mon père me frappe de temps en temps, c'est parce qu'il m'aime évidemment. Chez moi j'ai un poisson, lui aussi tourne en rond. Comme moi il sait pertinemment que la vie n'est qu'un incident. Y'a bien que les yeux de Julie qui me feraient changer d'avis. Mais depuis que je l'ai surpris avec ce connard de Jimmy, depuis c'est la misère, je hurle comme dans mes premiers vers. Oui, la vie n'est qu'un incident, un incident. Puis à l'orientation, la conseillère à la cour, qui me voit bien être secrétaire alors que je veux être millionnaire. Tant pis, je serai secrétaire, et qu'est-ce que ça peut faire? Je le sais très pertinemment que la vie n'est qu'un incident. Par je ne sais quel imprévu, je me retrouve à la rue. Je suis triste où que j'aille, et là je croise Lorelai. Lorelai est si belle, cette femme a tout pour elle. Comme moi, elle apprendra sûrement que la vie n'est qu'un incident. Lorelai m'a quitté, le divorce a coûté. Je commence à vieillir, je sens mon corps se raidir. Je vis ma petite retraite dans une maison de retraite. À Noël, les étrennes font que mes petits-enfants se ramènent. À peine une demi-heure, je leur dis tout mon bonheur d'avoir de si jolis enfants qui viennent me voir si souvent. Leurs petits yeux pleins de pitié, mon patrimoine immobilier. Ma mort ne sera qu'un incident, mais pas si triste apparemment. La vie, quelle importance, autant bien rigoler. La vie n'est pas si belle, tu sais, la vie n'est pas à envier. Au fond de leur maison, en dedans leurs appartements. Oui, la vie n'est qu'un incident, un incident.